Du coup, c'est l'heure, bah, c'est ton heure, Victor, encore là. C'est ouais, parce avis que substance. C'est mon heure en fait depuis qu'il est 3 heures du matin Ouais. en fait. C'est J'ai pas avis dû vous... substance. Du j'ai coup, pas je vais, bougé. bah, je reviens. Tu vas te coucher? Non, je vais préparer des choses. Ok. Alors, substance, ça doit durer combien de temps? Ah bah c'est très bien. Voilà, en fait, je voulais vous proposer de parler de ça parce que c'est une heure où il n'y a personne qui nous écoute, du coup on peut parler de choses illégales. Et en fait voilà, on n'en parle pas souvent parce que quand on fait des soirées, bah voilà, on a de la 16, de la Stella Artois, on a de la Guinness. Mais est-ce que vous qui n'êtes pas du Nord de base, est-ce que vous connaissez des nouvelles bières que vous ne connaissiez pas? Quelles sont les bières que vous avez découvertes ici, par exemple, dans le Nord? Là? Oui. Alors, la Belle Rose, la Hindemans, la Trois-Monts, la Goudal, Mmh. la Chimay, Oui. Bière de la Dijon. Duvel, c'est ça? C'est toi, Mathias, je sais. Beaucoup de bière. En fait, moi je vous pose cette question parce qu'en fait, il y a c'est comme dans vos régions, il y a les Cronenbourg, elles sont toujours là. Et vous voyez toutes les bières que vous m'avez citées? Eh ben c'est de la Kronenbourg ici. En gros, c'est les bières qui sont toujours en magasin et qui sont toujours accessibles. Et il y a un intérêt à habiter dans le Nord, c'est qu'on peut toujours chercher dans des caves à bière des nouvelles bières qui sont super bonnes. J'ai Alors, goûté l'Orval comme ça. voilà. Après, l'Orval, c'est encore une grosse industrie, mais Ouais, mais je c'est vous super invite, bon. parce que ça devient super hype de faire brasser sa propre bière. Et il y a des super bonnes bières lilloises qui ont beaucoup de mal à s'exporter. Et qui sont ici à Lille et qui, je pense à la cuvée des Jonquilles, je pense à l'Estaminet, Ah, j'ai je goûté la pense cuvée des à Jonquilles, elle la est super Nostéqué qui bonne. a un peu réussi à. Je pense à beaucoup de bières qui sont de la région et qui sont très bonnes. Et je vous invite à voir. Bien sûr, c'est des bières qui coûtent 1 € plus cher, peut-être, parce que c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas les boire. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment, puisque le fait d'acheter un pack de 6 Stella Artois, ça équivaut à prendre une canette de délirium, une bouteille de délirium. C'est le même effet. Et c'est juste que t'en as Le moins, mais ça délirium, c'est trop c'est mieux. bon. Voilà. D'ailleurs, c'est dans la rue Gambetta, il y a un magasin de bière justement qui est hyper cool. Ils sont hyper sympas et ils ont plein de trucs et ils conseillent trop bien. Ok. D'accord, c'est noté. Si vous êtes sur Paris, il y a à côté du canal Saint-Martin, il y a une petite échoppe de bière qui est vraiment bien sympa, qui regroupe des bières de un peu partout dans l'Europe. Une très bonne échoppe, je ne me rappelle plus du nom. Mais sachez que là, dernièrement, j'ai goûté une bière qui a été brassée en Belgique, que mon frère en a brassé, ces bières. C'est des bières avec une étiquette très hipster, c'est vachement bon. Et ça a un goût, c'est rouge la couleur, alors que ce n'est pas fruité. C'est assez bizarre, il y en a même une verte. Et c'est super bon, tout est bio, tout est normal. Et c'est super bon. Voilà, c'était mon topo bière. En fait, j'en viens à l'alcool. Merci Victor. La haie. Donc c'est une parenthèse, un E accent aigu, et une autre parenthèse, ça s'appelle la haie. Ok. Et c'est une super bonne bière. Voilà, j'en viens ici parce que... Bon voilà, on est tous étudiants, on s'est tous déjà bourré au moins la gueule une fois, je pense. Non. Qui? Moi. T'es jamais beurré, toi? Non. Oh. D'accord. Bah, c'était pour vous demander, quelles sont vos préférences? Vodka, rhum, gin, whisky? C'est quoi vos préférences? On va commencer par mon petit Jacques. Moi, ce serait plutôt vodka. Et pourquoi? Parce que c'est bon. Mais en quoi tu la mélanges avec quoi? Bah, je la mélange un peu avec tout. Ou, quand je suis trop con en fin de soirée, je la bois pure. Sinon, après, en fait, le reste, c'est que enfin, j'aime bien le rhum, mais il n'y en a pas souvent. J'aime pas du tout le gin. Et puis, Le rhum, moi j'aime beaucoup. Hein. Le rhum avec le rhum, c'est très fruité, ça a un très bon goût. Alors moi, je vous conseille un truc. Les quoi? Les quoi? Ton micro, il est allumé ou pas? Peut-être que je parlais dans le vide. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter dans le rhum. Ça marche aussi dans la vodka, mais c'est un peu moins bon. C'est d'acheter au rayon poissonnerie ces petits récipients de citron. Je vous conseille quand vous mettez c'est juste à prendre du jus multivitaminé, bon marché ou pas, hein, avec du rhum. Et vous mettez une petite touche de citron et c'est super bon. Moi, je vous le conseille, je fais De toujours ça quoi? en soirée. Pour un petit cocktail rhum pas cher, Ah, il excellent. suffit juste d'aller au rayon poissonnerie, de prendre ce petit bidet de citron. Et c'est vachement bon. Voilà. Est-ce que Voilà. quelqu'un a d'autres alcool. Après, les alcools forts, faut toujours acheter de la qualité. Quoi. C'est la vodka, si tu prends de la merde, c'est pas bon. Si tu prends de la bonne vodka, c'est. Bah, moi, j'aime bien ma Old Nick, tu vois, parce que moi, je suis très rhum. J'aime beaucoup le rhum. C'est un alcool que j'affectionne beaucoup, puisque je trouve qu'il a une identité. C'est pas juste de l'alcool brut comme la vodka. La vodka, je trouve vraiment que c'est brut, c'est pas bon. Je trouve que ça n'a pas de goût, c'est juste très fort. Ça même l'herbe de bison. Ouais, mais c'est plus. Moi, je te parle de la Polyakov et de la. Oui, bah, ça, c'est de la vodka d'entrée de gamme, donc forcément, elle est moins bonne. Ouais, oui, forcément. Mais si tu commences à taper sur des vodka moyenne gamme ou haut de gamme, tout de suite, ça a plus de goût. Il y a un petit bar super sympa dans Lille qu'il faut chercher. Ça s'appelle le Kremlin. Ah oui. Oh oui, il est génial. Alors oui, c'est un bar coco, parce que le gérant, à mon avis, il est encore dans un délire. Genre, ah, mais il est. T'as des bus de Lénine et tout. Mais t'as les meilleurs vodkas que t'as jamais goûté. Ouais. C'est 4 euros le petit shot. Et franchement, ça se déguste. Et il y a mais vraiment de tellement tout. De choix. C'est la seule vodka que je bois maintenant. J'avoue que je bois plus de Polyakov, de tous les trucs comme ça. Mais la vodka du Kremlin. Alors, non, mais il en a. Moi, je reproche. Des bon. Je reproche. C'est juste que t'aimes et il te trouve celle que tu vas goûter et que tu vas trop kiffer. Quoi. Moi, je reproche juste une chose à ce bar, c'est que quand tu lui demandes un shot d'absinthe. Parce qu'il est vraiment marqué sur la carte un shot d'absinthe, mais l'absinthe n'est plus vendu. Du coup. Si, maintenant, oui, non, c'est de la fausse absinthe, en fait. Ah oui, C'est plus de l'absinthe avec ce qu'il y avait dedans à l'époque. Ouais. C'est de l'absinthe sans absinthe, au final, c'est juste les herbes. Et voilà. C'était juste ça, mais ça m'est bien arraché la gueule. C'est pas l'alcool fort, c'est vraiment pas quelque chose que j'affectionne. J'aime beaucoup. Vous allez me prendre pour un con, mais le cidre. Ouais, c'est trop bon. C'est. J'ai jamais pris de cuite au cidre, je pense que c'est. Je pense que c'est très difficile. Et tu dois beaucoup faire pipi. Comme la bière. Ouais, juste pas. Non, tu dois pas être bien. Quoi. Ouais. Tu dois. Et en plus, avec toutes les petites bulles là. Moi, j'ai commencé à aimer quelque chose cette année, c'était le champagne. Avant, j'aimais pas du tout ça. Bah, du bon champagne, ça donne pas la gueule de bois le lendemain. C'est le problème du champagne, c'est qu'il te fout la gueule de bois. Quoi. D'accord, je sais pas. Direct, s'il est mauvais, là-bas. Je sais pas, peut-être qu'on a des country ou des Kinder country différents. Du coup, on a chacun notre alcool qui nous est propre. Ouais, j'ai toujours dit qualité. T'achètes de la qualité, si c'est bon. Si tu veux boire intelligemment, tu mets le prix, quoi. Et t'es sûr de pas avoir la gueule de bois le lendemain. T'es sûr de pas être mal le lendemain. Bon, bien sûr, faut être. Après, des fois, t'as juste envie de te bourrer la gueule, c'est tout. Ouais, mais je pense que, tu vois, moi, j'ai une façon de penser. Pour te bourrer la gueule, bah pour moi, il y a la bière qui n'est pas trop chère. Parce que pour se bourrer la gueule, ça veut dire quantité, en général. Et du coup, j'aime pas trop me bourrer la gueule aux alcools forts. Parce que après ça part super vite. Quoi. Et tu as vite fait de vomir tes tripes. Oui, c'est vrai. Donc du coup, moi, l'alcool fort, c'est plus en dégustation. Bah, comme quand je vais au Kremlin, la vodka. J'adore le whisky aussi. 200 litres de bon whisky dans un bar où j'avais été à Annecy. C'est vraiment le top du top. Et 200 litres d'absinthe, quand tu peux en avoir, mais de la vraie, c'est. C'est plus en vente. Ça n'existe plus. Ouais, t'as du whisky, pays. Là. Oui, du whisky, de l'absinthe. Ah enfin, oui. Les alcools forts se dégustent pour moi. C'est mm-hmm. sans. Enfin, un whisky coca. Un whisky coca, c'est. J'en bois, hein, j'en bois en soirée, mais je sais que c'est du mauvais whisky. Et souvent, c'est quand il y a du mauvais coca et c'est quand il n'y a vraiment rien d'autre. Quoi. Et après, t'as mal au bide toute la soirée. Ça va. Moi, je me souviens que la dernière fois, parce que j'aime beaucoup me mettre vraiment mal jusqu'à ce que je vomis. Et si jamais je ne vomis pas, c'est que ça n'a pas été une bonne soirée. Je fonctionne comme ça. Donc, la dernière soirée que j'ai faite, c'était il y a 3 semaines. Bon, j'ai vomi partout dans une boîte. J'étais sans respect. Le respect, il est parti de toute manière. Mais voilà, je vous conseille vraiment pas de parce que déjà que c'était que des restes, du coup j'ai mélangé gin, vodka, rhum et je pense du jus d'orange Winnie. C'était un peu le quatrio maléfique et ne jamais mélanger les alcools, surtout quand on va en revenir juste après parce qu'il faut pas trop tarder. On va parler de la drogue. La drogue. Je propose en 3 minutes, histoire de couper en deux. Oui, Bien sûr. On peut parler de bon vin et pas du mauvais. Mais toi qui viens, d'une région peut-être. Viticole. Viticole, c'est ça. Tu viens à côté du Rhin, c'est ça, toi. Non, pas du tout. Je viens du milieu bordelais. Donc le vin rouge, c'est le seul vin qui existe en France. Et le meilleur, et surtout pas le vin bizarre qui vient de Saumur. Là. Oh ta gueule. Et le vin chinois alors ? Il paraît qu'il y en a qui sont meilleurs. Le vin chinois, c'est le vin bordelais, au fait. Pourquoi ? Non, parce que il n'y a pas que du Bordeaux. Parce Mathias, que les Chinois, ils ont acheté tous les châteaux bordelais. Quasiment. Voilà, c'est comme ça. Et les Anglais aussi, en fait. Je crois qu'il n'y a plus aucune. S'il y a encore des grosses familles. Si, du dans coin. Le Saint-Émilion. Ouais, il y a les Rothschild qui sont encore là. Y a... Après, c'est tout. Je crois que c'est la seule grosse famille qui doit rester dans le bordelais. Mais ouais, c'est après c'est pareil. Alors l'avantage du bordelais quand il y est, c'est comme chez vous la bière, c'est-à-dire que votre rayon bière, bah nous c'est notre rayon vin. Donc tu y vas et tu regardes et tu te dis lequel je prends, et tu peux avoir une bonne bouteille pour moins de 5 €, quoi. Et ça fait plaisir. Voilà. Alors qu'ici, il prend 1 à 2 € dans la tronche. Ouais. Et je tiens à préciser que dans le Saumurois, c'est aussi la même chose. On a un méga rayon de vin pour pas trop cher. Mais en plus léger, parce que vous faites du vin de pisse. Voilà. Du vin de PD, soi-disant. Kawa n'est pas là, on c'est fait bon. Du vin délicat. Et pas du gros vin rouge qui tâche là, pour te brûler le fond de l'estomac. Oui, qui tâche la moquette. Merci, tu ramènes déjà. Est-ce que tu as une technique d'ailleurs pour enlever Je m'en fous, c'est toi qui l'as ramené. C'est du Bourgogne. Et il y a encore une trace sur ma moquette. C'est du Bourgogne, si tu veux que je te fasse. As-tu une technique pour enlever les taches de vin sur la moquette ? Il n'y a pas de technique. Hein. C'est comme si le sel. Non, surtout pas, ça imprègne le. Parce que je me souviens d'une certaine personne, quand on était chez une personne ici qui est dans l'assemblée, on avait vidé un pot de sel entier sur une tache. Je pense que. Si jamais on léchait le sol, ce serait un peu le goût d'un raisin fermenté avec dans un milieu salé, genre de la mer rouge. Alors, noir. Genre là, j'ai précisé qu'on avait bien rigolé, et que du coup de renverser du sel sur la moquette, je pense que ça a fait triper tout le monde. Même si moi je rigolais pas sur le moment, mais le lendemain il a fallu frotter au savon de Marseille. Et finalement c'est parti. Bon, de toute façon, le savon de Marseille qui n'est pas fait à Marseille. Le vin, pour le virer, faut aller avec de l'huile de coude. Quoi. Enfin, ouais, faut c'est quoi de l'huile de coude c'est... Mais on en trouve en magasin c'est la force du bras. Ah d'accord. Et ouais, non, faut vraiment y aller pour le faire et c'est tout. Quoi. Mais en général, le vin, quand ça s'oxyde, ça devient bleu. Je sais pas si vous avez remarqué, enfin le vin rouge. Je sais pas, moi je trouve ça rigolo comme idée. Voilà. Voilà. Tout le monde a parlé sur son côté alcool, oui. La pisse qu'il buvait, tout ça. Alors moi je vous conseille pour si vous voulez avoir une bière pas chère et qui en vaut la peine d'être vécue, n'achetez pas des conneries comme les Ch'tis, les 16, les Stella Artois, les Guinness. N'achetez pas. C'est ce qu'on a là, quoi. N'achetez pas. La race cochon en canette, elle est très bonne. Ouais. Parce que la race cochon, faut pas la boire rouge, parce que sinon vous êtes un PD. Mais. C'est une bière de fille. En fait, normalement, de base. Comme on dit. L'histoire dit qu'on aurait fruité les bières pour que, comme ça, les femmes puissent mieux les boire. Moi, j'aime pas la fruiter. Et voilà. Merci. Et seules les vraies femmes. C'est vrai, hein. C'est vrai, parce que c'est pas très. C'est pas vieux, hein, la bière fruitée. C'est ce hein. qu'on dit des cigarettes mentholées. Hein. On a fait les cigarettes mentholées pour que les femmes. C'est plus facile pour les femmes de fumer. C'est toujours pour des raisons marketing, de toute façon. Donc on va pas. On va peut-être pas. Enfin bref. Dessus, en fait, plus vous choisissez des bières avec des moches d'étiquettes, et plus la bière sera bonne. C'est vrai, c'est prouvé. Essayez toujours des étiquettes qui soient un peu nazes. Ça veut dire que c'est un petit prêtre dans son abbaye qui l'a faite. Et c'est cool. Et ça, c'est bien. Et maintenant, je propose de parler de drogue. De drogue. On va parler de drogue. Un fond musical, ouais. Substance. C'est un truc psychédélique. Alors déjà, j'aimerais savoir qui a déjà consommé de La weed. Levez la main. C'est mal. Qui a déjà consommé de la MDMA ? La drogue, c'est mal. Qui a déjà goûté de la CC ? La drogue, c'est mal. Et enfin, qui est-ce qui a déjà pris les cartons ? La drogue, c'est mal. Ok, je suis le seul. Est-ce que vous avez testé d'autres formes de drogue ? La drogue, c'est mal. Autre que le jeu vidéo ? Drogue, c'est mal. Bref, je sais pas ce que vous pensez de cette drogue, mais pour moi, il est clair que c'est la même chose que l'alcool. Je te parle des drogues douces comme la dewy, la verte, la frappe, la. Non, je suis pas d'accord. Parce que je comprends pas comment on peut interdire quelque chose qui. C'est le même problème que l'alcool. Voilà, je lance le pavé, vous réagissez. Franchement, pour la 3615 à l'Opère Noël. Ça dépend de la manière dont tu la consommes. Quand tu la fumes, ça sert à rien, je suis d'accord. C'est comme l'alcool, quoi. C'est pareil. Mais quand tu la bouffes, là, mon gars, ça te fait vraiment effet. Ouais, ça dépend ce que tu en fais, etc. Tu vois des alligators dans la rue et tout. Je parle tous. Mais toi, depuis avant, tu nous fais un truc genre la drogue, c'est mal. Alors forcément, on ne t'écoute plus. Mais non, mais on t'a écouté, Mathias. C'est juste que nous, on était partis loin avant toi. C'est très impoli de parler au-dessus de quelqu'un. Désolé, Mathias. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais non, je suis pas d'accord que ça fasse le même effet que l'alcool. Moi non plus. Non, mais les effets sont à changer. Oui, bien sûr, c'est différent. Mais dans le sens où ça fait autant de dégâts que l'alcool. Ah oui, ça, je suis d'accord. Alors que je vois. Non, c'était pas à la sensation. Je pense qu'on l'a pas interdit parce qu'en France, on fait plein de bières, on fait plein de vins et interdire l'alcool, ce serait juste trop bizarre. Pour l'économie. Moi, je trouve que c'est se fermer. Moi, je trouve que c'est se fermer à une culture aussi. Par contre, ouais, voilà. Mais légaliser la drogue, du coup, on passerait pour des gros dépravés. Mais personne. Au Canada, ils viennent de légaliser la drogue. Non, au Portugal, toute substance est autorisée. Non, mais au Canada, maintenant, là, ça s'est fait hier. Et ils ont légalisé. Ils sont quand même en avance. C'est comme la Belgique. Et au Portugal, ils ont légalisé toutes les drogues. Toutes ? Toutes. Et, 70 et le nombre de consommateurs a baissé de 70%. Voilà, parce que quand on te dit de ne pas appuyer... Ils sont tous morts d'overdose. Parce que quand on te dit de ne pas appuyer sur le bouton rouge, qu'est-ce que tu fais ? Tu appuies sur le bouton rouge. Et ben voilà, c'est exactement ça. Alors je vois pas pourquoi on me privirait... comment on pourrait me... Priver d'une liberté comme ça. Je trouve ça un peu... se foutre de la gueule de moi et genre de ne pas me faire confiance. Mais parce qu'il y a tout qui... Enfin, tout est possible de faire une drogue avec. Donc, Si n'importe quelle substance chimique peut être une drogue. Et, même n'importe quelle plante. Si tu peux... Oui, en plus. Ou naturelle. Donc, ça peut vite dégénérer. Il peut toujours y avoir une nouvelle substance sur une nouvelle substance sur une nouvelle substance. Ouais, mais ça, c'est pas parce que c'est pas interdit que ça peut pas arriver. Aux États-Unis, c'est arrivé en France il y a un an et demi, deux ans. Il y a eu de la Purple Drink qui est venue. Mais dis donc, c'est quoi la Purple Drink ? Purple Rain. Drink. La Purple Drink, c'est un sirop fait pour la toux qui est violet. Et si t'en prends. C'est la codéine. Et si t'en prends beaucoup, et bah, tu fais. Si tu planes. Je sais pas trop les effets que ça fait en fait. Mais c'est un truc à base de médicaments. Et il faut savoir aussi qu'il y a un service qui a été ouvert il y a 4 ans en France, je crois. Je sais plus trop les dates, en fait. Qui vérifie de plus en plus les suivis médicamenteux. Parce qu'il y a un gros lobbying pharmaceutique. Et du coup, dès qu'ils sont périmés, ils vont à la poubelle. Et voilà. Et on sait pas, il n'y a aucun suivi, au fait, derrière. Du coup, il y a un organisme qui a été monté pour justement faire un suivi. Voilà. Merci Mathias. De rien. Merci Mathias. Ça me fait plaisir. Non, mais ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que les médicaments aussi, on s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui sont complètement accros à ça. Genre tout ce qui est morphine, codéine, antidépresseurs. Et c'est une horreur. C'est une horreur, franchement. Et en plus, je trouve que c'est pire encore que. Parce que fumer de la weed, finalement, ça te crée pas de la... enfin, ça doit te créer de la dépendance. Si t'en... tout crée une dépendance. Ouais, mais si t'en... si t'en fumes tous les jours, tout le temps, enfin, je veux dire, autrement, tu ressens moins le manque. Oui, mais quand tu éprouves le plaisir à quelque chose, tu crées tout de suite une dépendance. En fait. Pas tout de suite, forcément. Enfin, tu sens la dépendance différemment. Alors, franchement, j'ai te proposé un truc. Tu aimes bien boire ? Bah, ouais. Ok. Entre un verre d'eau et un verre de vin, tu choisis quoi ? Le verre d'eau parce que j'aime pas le vin. Non, un bon vin, c'est-à-dire un tariqué. Mais je vois pas en fait pourquoi. Enfin... Non, mais tu vois, entre un soda et un verre d'eau, tu prends quoi ? Bon, tu vas me dire le verre d'eau parce que je suis au régime. Bon, Bâtard, entre une bière et un verre d'eau. Ouais, entre une bière et un mais verre d'eau. Mais ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de où oui, est-ce que mais je suis. Oui, mais par exemple, c'est là, t'as un verre d'eau et une bière devant toi. T'es avec tes potes. Là, je prendrais le verre d'eau. Parce que... Putain, t'as vraiment envie de me broyer les couilles là maintenant. Mais non, mais ça dépend. Tu mais peux non, pas mais ce que je veux dire, c'est que tu, forcément, tu préfères plus prendre. Parce que le goût de flotte, excuse-moi. Mais... Non, je préfère pas plus, c'est tout, c'est une question de... Enfin, je veux dire, si maman, tu me dis, ouais, ok, je te crois pas que t'es pas dépendante à l'alcool, t'arrêtes de boire pendant 6 mois, bah j'arrêterai de boire pendant 6 mois juste pour te prouver que, bah ouais, j'ai oui, pas besoin d'alcool. Oui, parce que tu sais que ta deadline, c'est 6 mois. C'est ce genre de truc, au fait, que je trouve ça nul. C'est comme, enfin, il y a des gens qui disent, bon, j'arrête de fumer pendant 3 mois. Bah ça va, 3 mois, tu peux y aller, et après, tu reprends. Mais non, mais c'est super pessimiste ce que tu dis, parce que finalement, on dirait qu'on est conditionné par parce qu'on boit. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je bois en soirée, le week-end, ou même que je fume ou des trucs comme ça, que forcément j'en dépends. C'est mental, c'est uniquement mental. Enfin, évidemment, t'as une partie psychique, physique, oui. je suis d'accord avec toi, tu vois, on l'a tous vu en cours de SVT, voilà. Mais c'est... Oh, c'était chiant ce cours. Ouais, grave. Mais c'était surtout très, très... Enfin, c'est très mental, quoi. Parce que quand tu vois, franchement, pour ce qui est alcool et club, je trouve que c'est minime par rapport à des trucs qui sont médicamenteux et qui vont agir directement beaucoup plus fort sur ton cerveau. Parce que pour avoir déjà été sous morphine, pour avoir déjà été sous antidépresseur, je peux te dire qu'au bout de la deuxième dose, il y a des jours où je me dis, j'aimerais bien, tu vois, là, qu'on me mette sous morphine quand j'ai mal ou des trucs comme ça. Et c'est vraiment... ultra dangereux et c'est légal. Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi, Lina. Ouais. C'est oui. Ça qui est ouf. Oui, mais il y en a, ils sont déjà dépendants et le truc, c'est qu'ils continuent de s'approvisionner parce que c'est prescrit. Oui, par quelqu'un. Mais c'est ouf. C'est pour ça qu'il y a un organisme qui a été ouvert il y a 4 ans, je le rappelle, pour le suivi des médicaments. Ouais, non, enfin, non, mais par exemple, mais quelqu'un qui est sous antidépresseur, ça fait 2 ans qu'il est. Oui, qu'il oui a les mêmes c'est, pour ça qu'il, c'est pour ça c'est qu'il y a un suivi qui devrait être fait en amont. Et normalement, théoriquement, sur le papier, c'est ce qui est écrit. Bon, je vais pas vous cacher que le lobbying pharmaceutique, on entend tous parler. Est-ce que tu peux existe. Mettre un peu plus genre d'entrain dans ta voix, genre, est-ce non. que tu peux chanter en non, fait parce qu'au fait, c'est le genre de débat qui on trouvera aucune solution pour la pure et simple raison qu'avec des scies, on coupe du bois, on fait de la t'as musique, mais on change gâte. Pas la vie, quoi. Donc, wow. Ouais, j'aime bien cette punchline. Merci. De rien. Mais voilà quoi, enfin c'est on va c'est tellement gros, ça représente tellement de pognon que aucun gouvernement, rien, enfin ça changera rien quoi. Donc t'es là, t'attends et tu peux me stopper. Bah personne en fait. Tu vois. Personne peut stopper ce genre de truc où c'est les trucs se chiffrent en milliards d'euros. Quoi. Non, mais c'est sûr, c'est un lobbying énorme. Et justement, ils profitent aussi de ça. C'est pour ça que les suivis, il y en a qui sont créés et tout, mais ce n'est pas forcément super bien fait. Parce que, comme dit, hein, c'est très, très, très, très, très facile d'avoir des antidépresseurs. Hein. Si tu es accro, mais c'est le truc le plus simple au monde. Et tu peux même t'arranger pour ne pas les payer. Parce que, et du oui, coup, je pense que c'est, ça profite aussi. Au gros lobby pharmaceutique. Et du coup, bah, c'est pas si mal que ce soit autorisé et que ce soit si facile de se procurer ce genre de choses, genre morphine, antidépresseur. Très bien. Donc, on peut faire le... Donc, c'était donc le mot de la fin. Il est 7h57. Bientôt.